18h39, activation orale, dialogue entre Mireille et Marie-Laure. Écoutez cet échange entre Mireille et Marie-Laure et apprenez les répliques de Marie-Laure. Es-tu encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que le son pour demain? Ouais. Et tu as fait tes devoirs? Ouais. Et tu les as finis? Presque. Alors va les finir tout de suite. Oh, ce que tu fais quand t'es toi? Répétez. Es-tu encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais tes leçons pour demain? Ouais. Et tu as fait tes devoirs? Ouais. Et tu les as finis? Presque. Alors va les finir tout de suite. Oh, ce que tu fais quand t'es calme, toi? Et répondez. Es-tu encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais tes leçons pour demain? Et tu as fait tes devoirs? Et tu les as finis? Alors va les finir tout de suite. Mmh.